إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on va commencer la quatrième partie dans l'explication de la aqida de l'imam al-Humaydi sur le sunnah. Et déjà on est arrivé au septième point parmi les dix points que l'imam al-Humaydi rahimahullah a mentionné. Et le point dont on va parler maintenant, c'est un point qui est relié avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait que les gens de la sunna, les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, qui suivent le manhaj des salaf al-salih, ils affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne cherchent pas à déformer le sens de ces attributs-là. Ils les affirment les attributs tels qu'ils sont dans les textes de la révélation, tels qu'ils sont dans le Coran, tels qu'ils sont dans la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne cherchent pas à déformer le sens ou à changer le sens de ces attributs-là, et ils ne cherchent pas non plus à nier leur réalité ou leur signification. Donc ça, c'est un des fondements parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et beaucoup de personnes pourraient s'imaginer que ces points ou ces différents fondements qui sont parmi les fondements de la sunna sont des choses qui sont reliées à des points qui sont connus aujourd'hui, puis que certaines personnes s'imaginent que les sectes, que les imams parmi les imams des salaf essayaient de réfuter ou ramener les preuves pour montrer leur fausseté, que ces croyances-là n'existeraient plus aujourd'hui. Il y en a qui disent, mais pourquoi vous parlez toujours de Aqidah et de ces questions-là alors que la plupart de ces sectes aujourd'hui n'existent plus? Comme si en voulant dire qu'il n'y a plus de sectes aujourd'hui, il n'y a plus de Jahmiyyah, il n'y a plus de Mu'tazila. Donc pourquoi parler d'eux? C'est quoi l'utilité de mentionner toujours ces sectes-là et ces choses-là? Eh bien, la réalité en fait, c'est que ces sectes, elles existent encore. Peut-être pas sous ces noms-là, peut-être pas sous ces formes-là, de la même manière qu'elles existaient à l'époque des salafs, mais elles existent encore dans leurs idées, dans leurs croyances, qui continuent à être propagées dans différentes parties du monde musulman, et qui malheureusement égarent beaucoup de gens encore aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a encore des musulmans parmi les musulmans qui existent aujourd'hui dans le monde qui défendent certaines des croyances des Mu'tazila et des Jahmiyya. Si vous demandez à certains musulmans, par exemple, où est Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sauront pas vous répondre correctement. Ils ne vont pas vous donner la réponse qui est correcte, qui est en accord avec la croyance de l'islam, qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran, Ar-Rahman ala l'arsh istawa. Le très miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Donc, ils ne vont pas répondre de la réponse que la jeune esclave avait donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Ayn Allah ?»« Où est Allah ?» elle a répondu « Fis sama » elle a répondu qu'il était dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux, au-dessus de sa création. Mais pourtant, quand tu demandes à certains musulmans aujourd'hui ces choses-là, ils vont répondre qu'il est partout. Il y a des choses de ce genre. Et alors que ça, c'est une fausse croyance. C'est une croyance qui est en opposition avec la aqida d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Et en réalité, c'est la aqida des Jahmiyyah. Jahmiyyah qui disent que Dieu est partout, dans toutes choses, partout. Et c'est aussi également la croyance de certains parmi les hérétiques, parmi les soufis, qui disent que tout est Dieu et que Dieu est tout. Et qui croient en Wahdatul Wujud. Donc ça, c'est des croyances qui sont répandues dans beaucoup de pays musulmans et qui existent dans l'esprit de beaucoup parmi les musulmans, de plusieurs parmi les musulmans. Il y a également la aqida des Ash'ariyya, l'Ash'ariyya qui est enseignée dans la plupart des grandes universités dans le monde musulman aujourd'hui. Si vous allez à l'Azhar ou dans d'autres universités dans les pays musulmans, c'est la aqida Ash'ariyya qui est enseignée. Et cette aqida, elle est basée sur le fait de déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nier la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelqu'un ne peut pas prétendre que cette aqida ou que ces croyances-là n'existent plus aujourd'hui. Au contraire, elles existent encore. Et c'est pour cette raison-là que c'est important de toujours expliquer aux musulmans la aqida de nos salafs salih. Et c'était quoi la réalité de leurs croyances ? Pour ramener les musulmans justement à cette bonne compréhension de la aqida, la compréhension des sahaba et des tabi'in et des tabi'it tabi'in. D'accord ? Puisque c'est cette aqida-là qui a fait vivre leur cœur et qui les a amenés à justement atteindre les degrés et les niveaux de foi qu'ils ont atteints et à accomplir les actes et les choses qu'ils ont accomplies pour l'islam. D'accord ? Donc c'est très important d'avoir l'ikhlas et d'avoir une bonne aqida, et ça c'est fondamental comme on le sait tous. Donc on va lire donc ce septième point dans les points qui sont mentionnés par l'imam al-Hamidi. C'est le septième point, il dit « وَمَا نَتَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثِ مِثْلُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَمِثْلُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وما أشبه هذا في القرآن والحديث لا نريد فيه لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. Donc l'imam al-Humaydi, il dit ce que le Coran mentionne de même que le hadith, comme par exemple le verset il mentionne le verset 64 dans sourate al-Maïda, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce que les juifs avaient dit. « وقالت اليهود يد الله مغلولة » Les juifs ont dit « La main d'Allah subhanahu wa ta'ala est fermée » en voulant dire qu'ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala d'être avare et de ne pas donner de ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant « غلت أيديهم » que leurs mains à eux soient fermées. Et la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا » et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. « بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء » mais en fait, ses deux mains sont grandes ouvertes et il donne de ses subsistances comme il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les juifs de l'avoir accusé d'être avare, et en même temps, il affirme qu'il a deux mains. Donc ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 67 dans surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, c'est-à-dire que les cieux vont se fermer dans sa main droite. Ça c'est dans le verset, si on lit le verset en entier, ça dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Donc ça veut dire, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va faire des cieux, une seule poignée, il va les prendre dans sa main comme une poignée. Il va fermer les cieux et la terre dans sa main, droite. Donc ça c'est pour nous montrer à quel point cet univers il est petit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment Abdullah ibn Abbas a expliqué ça en disant que c'est comme un grain de sable dans la main d'entre l'un d'entre nous. Quand quelqu'un d'entre nous prend un grain de sable, il le met dans sa main, eh bien, l'univers entier, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comparable à ça. Ça veut dire que c'est minuscule, c'est infime, infiniment petit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour montrer que, en même temps, Allah, il affirme qu'il a une main droite dans ce verset-là. Donc, ça fait partie des versets que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qui mentionne ses attributs, comme par exemple l'attribut de la main. Et il y a beaucoup d'autres attributs aussi qui sont mentionnés dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Donc, l'imam al-Humayd, il mentionne ces deux versets-là, puis il dit, ainsi que les versets qui ressemblent à ces versets-là dans le Coran et également les attributs qui sont mentionnés dans les hadiths, on n'ajoute rien à ces attributs-là et on ne les explique pas. On n'essaie pas de les expliquer. On s'arrête là où le Coran et la Sunna se sont arrêtés. D'accord? Donc, on voit que ça, c'est la position des salaf salih. Ils prennent les versets tels qu'ils sont. Ils n'ajoutent pas et ils n'essaient pas de rentrer dans des formes d'interprétation pour essayer de déformer la réalité des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les affirment tels quels et ils y croient. Et ils les affirment tels quels. Donc ça c'est la position des salaf salih, contrairement à la position des gens de bid'a parmi les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyyah, qui ont dévié sur cette question-là à différents degrés. Les Jahmiyyah sont les plus égarés dans cette question-là. Ce sont des gens qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. Et il y a ensuite les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, ils affirment des noms. Ils affirment les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils nient les attributs. D'accord? Donc, ils sont à un autre degré d'égarement, en dessous des Jahmiyyah. Et ensuite, il y a les Asha'ira et les Maturidiyyah, qui eux, affirment les noms, et ils affirment quelques attributs seulement. Ils affirment environ 7 attributs. Et, qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres attributs, ils les nient. Soit directement ou indirectement, en les déformant dans leur signification et dans leur sens. Et puis, ils prétendent que les attributs qu'ils affirment sont uniquement les attributs qu'ils sont capables d'établir ou de prouver par la logique, par la raison. Les autres attributs qu'ils ne peuvent pas, selon eux, prouver par la raison, ils ne les affirment pas. D'accord? Ils les nient. Et ils les interprètent en leur donnant une autre interprétation pour nier leur réalité. Parce qu'ils pensent ou ils s'imaginent que par le fait de les affirmer, ils font une ressemblance entre Allah et sa création. Et pour s'éloigner ou pour éviter de faire une soi-disant ressemblance entre Allah et sa création, alors ils ont recours à ces formes d'interprétation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour changer leur réalité. Comme par exemple, lorsqu'ils lisent dans le Coran ou dans les hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala ou que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam affirme qu'il a une main, eh bien, ils cherchent à déformer ça, à changer le sens de cet attribut-là en disant que la main c'est la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une main, c'est une force. Ou bien ils vont dire que c'est pas une main, mais c'est sa grâce. Ils parlent de sa grâce. Donc, c'est des formes de déformation, des interprétations qui n'ont aucune référence dans le Coran et dans la Sunna et qui n'ont aucune preuve non plus dans les paroles des Sahaba et également même dans la langue arabe, on ne retrouve pas d'interprétation qui justifie cette déformation du sens. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là que nous, on leur répond en leur disant qu'il faut affirmer les textes tels qu'ils sont. Et comme les ulama des salaf ont fait, ils ont ramené les versets les uns vers les autres pour les comprendre. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay'un » وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant, c'est-à-dire celui qui voit tout et qui entend tout. Samir, celui qui entend tout, le Basir, celui qui voit tout. Donc, on affirme les attributs, mais on nie la ressemblance. On affirme l'attribut tel quel, mais on nie la ressemblance. Ça, c'est la position des salaf salih, et on va donner des exemples dans les citations que le muhaqqiq du livre a mentionné justement dans les commentaires qu'il a rajoutés au livre. Il dit ومن الأحاديث الواردة في السنة في إثبات صفات الله عز وجل ما أخرجه البخاري في صحيحه في محاجة آدم وموسى عليهما السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه وخط لك بيده ومنها ما جاء من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة والأحاديث في هذا الباب كثيرة. Donc ici le cheikh il mentionne donc que les hadiths qui affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. Et il mentionne un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, dans la discussion qu'il y a eu entre Adam et Moussa alayhim as-salam. Et ce hadith est rapporté selon Abi Huraira, et dans ce hadith-là, il y a la mention que Allah subhanahu wa ta'ala a tracé une ligne pour lui par sa main, avec sa main, biyadihi. Donc ça, c'est l'affirmation de l'attribut de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également dans ça, qu'est-ce qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux personnes. Un des deux a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. Un des deux a tué l'autre et les deux rentrent ensemble au paradis. Et ça, ça fait partie des hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de rire et que ça fait partie de ses attributs. Bien entendu, on affirme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala rit, mais on fait la distinction entre le rire du créateur et le rire de la créature. Et on dit qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Donc ça, c'est des exemples. Et les gens de Bid'a, comme par exemple les Asha'ira, font partie des gens qui prétendent être les représentants de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ils prétendent qu'ils prétendent suivre la voie des Sahaba et des Tabi'in, eux aussi. Ils prétendent être les vrais représentants de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Toutefois, lorsqu'on est au courant de la réalité, de leur histoire, de leur développement, on sait très bien que c'est impossible. Puisque leur fondateur, leur imam, Abul Hassan al-Ash'ari, et il est né en 260 ou 270 selon certains ulama. Donc, c'est très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et très longtemps après les imams des salaf. Et pendant 40 ans de sa vie, les 40 premières années de sa vie, il a été parmi les défenseurs des gens qui propageaient la aqidah des Mu'tazila. Il était dans la secte des Mu'tazila, faisait partie de leurs savants. Donc, pendant 40 ans de sa vie, il est resté sur la aqidah des Mu'tazila, des gens de Bid'ah. Et c'est après, par la suite, qu'il a réalisé que ces gens-là étaient sur une fausse aqidah et qu'il a quitté cette aqidah-là. Toutefois, il n'est pas venu directement à la vraie position de la sunnah et à la voie des salaf. Il est passé par une phase, si on veut, intermédiaire, une phase de transition, parce que il avait entendu de la part de certains mutakallimin, comme on les appelle, les gens de kalam, les philosophes, qui essaient de réfuter les Mu'tazila. Il a entendu de leur part certains arguments qui l'avaient convaincu. Donc il a établi sa position à partir de ce moment-là. Et donc il a affirmé quelques attributs, puis il a déformé le reste. Et la plupart des Asha'ira qui existent aujourd'hui, Et ceux qui prétendent suivre l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari encore aujourd'hui, eh bien, ils suivent cette période intermédiaire-là. Et la plupart d'entre eux sont revenus à la aqida des Mu'tazila sans même le savoir. Hein? C'est pour ça que la plupart des Ash'ari aujourd'hui, en réalité, ils défendent la aqida des Mu'tazila et non la aqida de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Puisque Abu al-Hassan al-Ash'ari, à la fin de sa vie, avant de mourir, il est revenu à la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Hein, et à la aqida des imams des salafs comme l'imam Ahmad et les autres, et il a écrit des livres pour justifier la position des salafs et pour défendre la vraie position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est-à-dire l'affirmation de tous les noms et de tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans exception. Et il a écrit à ce sujet-là un livre qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana, et d'autres livres également comme Maqalat al-Islamiyyin. D'accord. Et dans Maqalat al-Islamiyyin, il parle des différentes sectes et de leurs croyances et de leurs positions. Et puis quand il arrive à la position des salafs et à la aqida des gens du hadith, eh bien, il mentionne leur aqida et leurs preuves. Et il réfute les arguments de ceux qui opposent la voie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est-à-dire ceux qui nient les attributs. Donc ça indique clairement que la position des salafs et la aqida d'Ahl al-Sunnah, c'était la position de l'imam al-Ash'ari à la fin de sa vie. Et contrairement à ce que ces gens-là prétendent aujourd'hui, qui se disent ou qui prétendent être en train de suivre la aqida de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, alors qu'ils le contredisent en réalité. Et non seulement ça, on voit ici qu'on est en train d'étudier la aqida de l'imam al-Humaydi, qui était un des contemporains de l'imam Shafi'i, qui a étudié avec l'imam Sufyan ibn Uyayna et avec plein d'autres parmi les imams, et qui est mort en 219. C'est-à-dire, il est mort environ 40 ans, parce que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est né en 260. Et l'imam al-Humaydi, il est mort en 219. Donc, il y a 40 ans entre les deux qui les séparent. Et l'imam Malik, il est mort avant l'imam al-Humaydi. Et les autres imams également, donc, les imams des salafs affirmaient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est après eux que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari est venu. Et vous allez rencontrer beaucoup de gens parmi les Ahbash, ou bien parmi les Asha'ira, les gens qui défendent cette aqida aujourd'hui. Et même maintenant, ils ont des sites, et ils font beaucoup de propagation, justement essayer de propager cette fausse aqida. Et puis ils prétendent que, ils disent, nous on suit les quatre imams, on suit les quatre madahib, on se rattache à leur aqida, on fait partie des sunnites, comme ils disent. Et ils pensent que le fait de défendre la aqida d'Abu al-Hassan al-Ash'ari avant qu'il se repente à la fin de sa vie, que c'était ça la vraie position d'Ahl al-Sunnah. Donc on a la preuve justement dans les paroles de cet imam al-Humaydi et des autres imams des salafs avant lui et après lui que cette prétention-là de la part des Ash'ari, c'est totalement faux et que ça ne peut pas tenir. Donc, comment vous pouvez prétendre que vous êtes Maliki ou que vous êtes Shafi'i ou que vous êtes Hanafi ou que vous êtes Hanbali et vous avez la aqida qui est en opposition avec la aqida de ces imams-là, qui eux affirmaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne niaient rien et qui ne déformaient rien des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une contradiction. De même que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est mort après eux. Alors comment ces imams-là pourraient, il est né après eux, comment ces imams-là auraient pu être sur sa aqida alors qu'il est venu après eux et que eux sont nés avant lui et sont morts avant lui. Donc c'est la preuve que ces gens-là sont sur la fausseté et qu'ils mentent à propos des salafs salih. Donc on a des exemples dans les paroles des salafs qu'on a lues aujourd'hui et qu'on a lues dans les cours précédents et dans les autres livres écrits par les imams des salafs également. Ensuite le cheikh qui a fait le tahqiq, il explique, il dit: قال الذهبي في تاريخ الإسلام حوادث ووفيات قال بشر بن موسى حدثنا الحميدي وذكر حديث إن الله خلق آدم على صورته أخرجه مسلم فقال لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء القرآن والحديث لا نستوحش أنت أن نقول كما قال القرآن والحديث لا تستوحش أن تقول كما قال القرآن والحديث. Le Cheikh il mentionne que l'imam al-Dhahabi dans le tarikh Hawadith wa Wafayat que Bishr ibn Musa a dit que l'imam al-Humaydi nous a dit, il a mentionné le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, Allah a créé Adam à son image. Et puis il mentionne les paroles de l'imam al-Humaydi par la suite qui dit on ne dit rien d'autre que ce que ce qui est mentionné. Hein. On ne dit rien d'autre que ce qui est mentionné et on se soumet et on est satisfait de ce qui est mentionné dans le Coran et dans le Hadith. Et on ne trouve rien d'étrange de dire ce que Allah a dit dans le Coran et ce qui est mentionné dans le Hadith. Donc, on mentionne les choses telles quelles. Et si vous allez voir les gens de Bid'ah, quand ils lisent ces Hadiths-là, les Hadiths qui parlent des attributs, eh bien, ils refusent de les affirmer tels quels et ils sont gênés de les mentionner. Hein? Ils sont gênés, ils ont honte de les mentionner. Pour eux, hein, ils imaginent que c'est des formes de ressemblance entre Allah et la créature. Donc, pour eux, de mentionner ces textes-là, ça les dérange. Toutefois, pour les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, on les mentionne sans aucune gêne, sans aucune honte. Au contraire, alhamdoulilah, on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est attribué toute la perfection et que ses attributs sont des attributs de perfection et qu'il n'y a pas de ressemblance entre les attributs qu'il s'est attribué à lui-même et les attributs de sa création. وقال أيضا في السير, hein, parce que ce sont des hadiths qui sont rapportés, hein, et dans la chaîne de ces hadiths-là, il y a l'imam al-Humaydi dedans. C'est la preuve que les salafs ils transmettaient les hadiths tels quels. Ils n'allaient pas déformer la signification des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour plaire à quelqu'un ou pour satisfaire les idées de quiconque. Ils transmettaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam telle qu'elle. Hein. Et ensuite, il mentionne un autre exemple de ça. « Qala aydan fi siyar » والفربري حدثنا محمد بن المهلب البخاري حدثنا الحميدي قال والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم أو عدتهم من الأتراك. Donc il dit, il cite les paroles de l'imam al-Humaydi qui sont mentionnés dans As-Siya, il dit, par Allah, que je combatte ou que je lutte contre ceux qui réfutent les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est préférable pour moi que de combattre leur même nombre parmi les Turcs. Parce qu'à l'époque, bien entendu, à l'époque, les Turcs n'étaient pas encore convertis à l'islam. Ils faisaient partie des gens qui combattaient les musulmans. Ensuite, il dit, قلت إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما أثبتته له رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وإمرار أخبار الصفات كما جاءت بلا كيف هو ما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح وهو من الأمور التي اجتمعوا عليها واتفقت عليها كلمتهم والنقول عنهم في ذلك كثيرة. Le Cheikh dit d'affirmer ce qui a été affirmé par Allah subhanahu wa ta'ala parmi les noms et parmi les bons noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses autres attributs et d'affirmer ces choses-là également, ces attributs-là dans les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de les laisser passer telles qu'elles sont venues, sans demander le comment, ça c'est la voie sur laquelle étaient les salafs de cette ummah. Et ça fait partie des choses sur lesquelles ils étaient tous d'accord. Et leurs paroles là-dessus étaient toutes réunies. C'est-à-dire qu'ils étaient tous d'accord sur ces choses-là. Et les citations qui sont rapportées à ce sujet-là sont très nombreuses. أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن قدامة في ذم التأويل عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله قال أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. Le Cheikh dit, comme c'est rapporté par l'imam Al-Lalaka'i dans Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et par l'imam Ibn Qudama dans Dhamm al-Ta'wil, que l'imam Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullah, il a dit, tous les fuqaha sont d'accord, tous les fuqaha de l'Est, de l'Orient et de l'Occident, de l'Est et de l'Ouest, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut croire en le Coran et en les hadiths et en tout ce qui est rapporté dedans de la part des gens qui sont fiables, hein, des fiqat, hein, et de croire en qu'est-ce qu'ils ont transmis des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des attributs du Seigneur, hein, Ar-Rabb Azza wa Jal, sans essayer de les interpréter, sans essayer de les décrire et sans essayer de les faire ressembler à la créature. Quiconque interprète quoi que ce soit de cela aujourd'hui, alors il est sorti de ce que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il s'est séparé de la jama'a. Il s'est séparé de la jama'a. Parce qu'il n'interprétait pas, il ne décrivait pas et il n'interprétait pas, mais il donnait le verdict selon le Coran et selon la Sunna, puis il se taisait, hein, puis il s'arrêtait à ça. Alors, quiconque dit, hein, ou exprime la parole ou la pensée de Jahm, c'est-à-dire Jahm ibn Safwan, celui qui niait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms, alors il s'est séparé de la jama'a parce qu'il a décrit ou interprété ou décrit Allah subhanahu wa ta'ala par les attributs du néant. Il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme on décrit le néant ou de la façon dont on décrit le néant. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Ça veut dire que yani, les gens de Bid'a, comme les Jahmiyyah, les autres parmi les groupes qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on va jusqu'au bout de ce qu'ils disent, en réalité, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Hein? Et c'est ça ce qu'ils disent, en réalité, indirectement. Puisque, ils disent que, il ne faut pas, comme par exemple si vous parlez avec certains d'entre eux aujourd'hui, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus du monde. Il n'est pas en dessous, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Ça c'est écrit dans leur livre de Aqidah aujourd'hui. Les Asha'ira aujourd'hui, ils enseignent ça dans leur Aqidah. Il ne faut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Il ne faut pas dire qu'il est à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde, ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Donc, les ulama, quand ils ont entendu ces paroles-là, ils ont dit, si on devait décrire le néant, on ne pourrait pas trouver une meilleure définition, une meilleure description que cette description-là. Donc, ils essaient de nier, hein, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour s'échapper ou pour s'enfuir, soi-disant, de faire une ressemblance entre Allah et sa création, et il tombe en réalité dans la négation. Il tombe dans le ta'til. Il tombe dans la négation de l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Donc, c'est ça le danger et c'est ça l'égarement de ces gens-là parmi les Jahmiyyah. Il dit, وقال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله من غير تعرض لتأويله. Il dit, Ibn Qudama, dans son livre Lum'atul I'tiqad, il dit, et c'est ainsi que tous les salafs, de même que les imams parmi les khalafs, ceux qui sont venus après les salafs, sont tous d'accord sur le fait d'affirmer, et de rendre les textes tels quels, et de les déclarer tels quels, comme c'est mentionné au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, sans commencer à essayer de faire des interprétations ou des déformations des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu wa qawlu al-musannif rahimahullah la nufassiruhu hadhihi al-ibara waradat an adadin min as-salaf بأن آيات الصفات وأحاديثها لا تفسر ومقصودهم من ذلك بأنهم لا يفسرون الكيفية ولا يخوضون بما لا علم لهم به أما المعاني فهي معلومة من لغة العرب ولم يخاطبهم الله تعالى في هذا الباب إلا ولم يخاطبهم الله في هذا الباب بما لا يعلمون ومذهبهم في هذا الباب إثبات آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت مع اعتقاد ما دلت عليه من غير تكييف ولا تمثيل وهذا هو معنى عدم تفسيرها وفي هذا رد على من يزعم أن مذهب السلف هو التفويض في المعنى والحق أن مذهب السلف والحق أن مذهب السلف التفويض في الكيف الذي لا يعلمه إلا الله. Donc, on va commencer par cette partie-là. Le cheikh qui fait le tahqiq du livre, il dit que la parole de l'auteur, de l'imam al-Humaydi, quand il dit « wa la nufassiruhu », c'est-à-dire on ne l'interprète pas, on ne sait pas de l'expliquer, d'expliquer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette expression-là? Cette expression, la nufassiruhu, elle a été mentionnée de la part de plusieurs parmi les salafs. Et, ils disent, on ne doit pas interpréter la nufassir, la nufassiruha, c'est-à-dire on n'interprète pas les hadiths qui parlent des attributs. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, en réalité? C'est que, on ne doit pas essayer d'interpréter le comment de ces attributs-là. On ne doit pas essayer d'interpréter le comment de ces attributs-là et on ne doit pas discuter ou rentrer dans des discussions au sujet des choses dont on n'a aucune science. Parce que le comment des attributs d'Allah, personne d'entre nous ne le connaît. Et vous connaissez tous, je suis certain, la parole de l'imam Malik, rahimahullah, à ce sujet-là, quand un homme est rentré dans la mosquée et qu'il lui a demandé comment Allah s'est élevé au-dessus du trône, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, kayf istawa, il lui a demandé comment Allah s'est élevé au-dessus du trône. Et l'imam Malik s'est mis en colère et il a dit al-kayfu al-istiwa ma'loum, barakallahu fik, al-istiwa ma'loum wal-kayf majhoul. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Donc, c'est pour dire l'istiwa, le verbe istiwa ou le mot al-istiwa, le fait de s'élever au-dessus de quelque chose, dans la langue arabe, c'est quelque chose qui est connu. Tout le monde connaît sa signification. والكيف مجهول. Le comment de cet attribut-là, c'est quelque chose qu'on ignore. C'est majhoul, on ne sait pas. والإيمان به واجب. Et d'y croire, c'est obligatoire. Et de demander des questions à ce sujet-là, c'est une bid'a, c'est une innovation. Hein? Et il a ordonné que cet individu-là soit expulsé ou sorti de la mosquée ou de son darshan. Il l'a fait sortir. Donc, ça c'est la position des salafs, la position de l'imam Malik à ce sujet-là, c'est la position de tous les salafs. Qu'on ne doit pas demander la question au sujet du commun. Et que la description du commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'impossible à donner. Puisqu'on ne la connaît pas, et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'a pas donné, ne nous l'a pas décrit. D'accord? Donc, on ne doit pas essayer de chercher à comprendre le commun. Donc, le cheikh il dit, la connaissance de, par contre, la connaissance des significations des attributs, c'est connu de par la langue arabe, de par la signification des noms et des mots de la langue arabe. Al-istiwa, tout le monde sait qu'est-ce que ça signifie. Al-yad, tout le monde sait qu'est-ce que ça signifie. Al-nuzul, tout le monde sait qu'est-ce que ça signifie. C'est des mots que les gens connaissent dans la langue arabe. Et ça, il n'y a pas de problème pour comprendre leur signification dans la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé aux hommes, il s'est adressé aux hommes et en premier aux Arabes dans une langue qu'ils connaissaient. Bilisan un arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire et pure. Donc il leur a pas parlé avec des termes ou des mots qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est des mots qu'ils connaissent et des termes qu'ils connaissent dans leur langue. ومذهبهم في هذا الباب إثبات آيات الصفات. Donc la position des salaf à ce sujet-là, c'est d'affirmer les versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'affirmer les attributs qui sont mentionnés également dans les hadiths, comme ils sont mentionnés, comme ils sont rapportés, et de croire ce que ces textes indiquent et prouvent. Sans essayer de chercher à connaître le commun, une ghayri takyif, sans essayer de savoir comment sont ces attributs-là, wala tamthil, et sans faire de comparaison entre le créateur et la créature. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ça la signification quand l'imam al-Humaydi il dit la nufassiruhu. La nufassiruhu, quand il dit on ne l'explique pas, on n'essaie pas de l'interpréter, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on n'essaie pas d'expliquer le commun. Mais la signification de l'attribut elle-même dans la langue arabe, ça on le connaît. Al-ma'na. C'est pour ça que les ulama ils disent tafwid, parce qu'il y en a qui pensent que la position des salafs au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire le tafwid. Tafwid, ça veut dire quoi? Ça veut dire on sait rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ignore la signification. Et ça, c'est une fausse position, comme le cheikh il le mentionne. Et il explique que la position des salafs au sujet du tafwid, c'est de faire le tafwid du commun et non de la signification des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils font le tafwid du kayf. C'est-à-dire, quand on leur demande au sujet de comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, seul Allah sait le comment. Mais quand on leur demande au sujet de la signification, ils l'expliquent et ils disent qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a pas de problème avec la signification, puisque c'est des mots qui sont connus dans la langue arabe. Donc, le cheikh il dit, وَهَذَا مَعْنَا عَدَمُ تَفْسِيرِهَا. Donc, de ne pas les interpréter, de ne pas les expliquer, c'est de ne pas demander au sujet du commun. Et ça, ça vient réfuter ceux qui prétendent que la position des salafs, c'est de nier ou de dire qu'on ignore, faire le tafwid de la signification des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit la vérité à ce sujet-là, c'est que la position des salafs, c'est de faire le tafwid ou de dire qu'on ignore le commun. Que seul Allah connaît le commun. وقد روى الحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال كان الزهري ومكحول يقولان أمروا الأحاديث كما جاءت والمعنى أي أمروا آية الصفات وأحاديثها على ما هي عليه مع الإيمان بها وبمعناها وما دلت عليه مع عدم التعرض لها لا بتحريف ولا تأويل ولا تكييف والقول فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والدارمي في الرد على الجهمية وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات. Donc ici le cheikh il mentionne que l'imam al-Lalakai il a mentionné les paroles de l'imam al-Awza'i rahimahullah avec la chaîne de transmission yani dans lequel il dit Az-Zuhri ainsi que Makhoul sont deux parmi les imams parmi les tabi'in parmi les imams des salaf. Il dit Yaqulan, c'est-à-dire Az-Zuhri et Makhoul, il disait laissez les textes tels quels, laissez passer les textes des attributs d'Allah tels quels, c'est-à-dire yani, de les prendre tels qu'ils sont. Hein? Et il explique Wal-Ma'na, et la signification de ça, c'est-à-dire laissez les textes des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ahadiths qui mentionnent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont, tout en croyant en ces textes-là et en leur signification et en ce qu'ils indiquent, sans essayer de rentrer dans des formes de déformation de leur sens et de leur signification, et sans essayer de les interpréter comme on a dit tout à l'heure, et sans essayer de chercher le commun, hein, sans essayer de déformer leur signification et sans essayer de chercher le commun. On voit dans cette parole que le cheikh il mentionne la tahrif ou la ta'wil. Tahrif, ça veut dire tu déformes la signification, ou bien tu déformes le texte lui-même. Tu le changes, tu essaies de le changer. Et ta'wil, il faut comprendre que c'est un terme qui peut être pris avec deux significations. Le mot ta'wil, il peut signifier le tafsir, c'est-à-dire l'interprétation, et les ulama des salaf, quand ils utilisaient le terme ta'wil, ils voulaient dire le tafsir. Hein? Et c'est pour ça qu'on retrouve les imams, comme l'imam al-Tabari par exemple dans son tafsir, quand il dit وَالْتَأْوِيلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلُ, c'est-à-dire les hommes ou les gens du tafsir ont dit au sujet de ce verset telle ou telle chose. Donc ça c'est pour dire que le mot ta'wil peut signifier tafsir. Toutefois, il peut aussi être utilisé, et comme c'est le cas par exemple de la part de certains parmi les Asha'ira aujourd'hui, ils utilisent le terme ta'wil, mais ils veulent dire en réalité le tahrif. Hein? Parce qu'ils déforment la réalité des sens, des versets, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils prétendent que ça c'est le ta'wil, alors qu'en réalité c'est pas réellement un ta'wil, c'est pas une interprétation qu'ils font selon le Coran et la Sunna et la compréhension des Sahaba, c'est plutôt qu'ils déforment la réalité des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils utilisent le terme ta'wil pour le rendre acceptable, hein, pour essayer de tromper les musulmans, pour leur faire croire que qu'est-ce qu'ils font c'est quelque chose qui est accepté par les salafs, puisque les salafs utilisaient le terme ta'wil. Et ça, on retrouve ça dans beaucoup d'exemples dans la aqidah des Asha'ira. Ils vont dire quelque chose, hein, utiliser des termes ou des choses qui sont reconnues et acceptées par les musulmans, mais en réalité, ils veulent dire autre chose. Hein, ils ont pour ces choses-là une autre signification. C'est comme par exemple, on a parlé de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a expliqué que les salafs ont dit que Kalamullah, Hein? On doit croire que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas créé, غير مخلوق. Et que celui qui dit que c'est créé, faqad kafar. Celui qui dit que cette parole, la parole d'Allah est créée, il a mécru. Eh bien, les Asha'ira, ils affirment l'attribut de la parole. Mais lorsque tu lis dans leur livre, quand ils parlent au sujet, par exemple, de la parole, ils divisent la parole d'Allah en deux catégories. Ils divisent la parole d'Allah en deux catégories. Ils disent, il y a la parole, hein, ils disent, il y a la parole, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on récite, hein, quand on lit le Coran, et puis il y a la parole, c'est-à-dire la signification. Et ils disent, qu'est-ce qui est réellement la parole d'Allah? C'est la signification qui est en Allah, le sens de ces paroles-là. Toutefois, le texte lui-même, ils disent, il est créé. Donc, pour eux, en réalité, le Coran, il est créé. Mais ils ne le disent pas aux gens. Ils disent aux gens, on affirme la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Mais quand ils disent ça, ils ne parlent pas de qu'est-ce qu'on récite dans la prière quand on lit le Coran. Ils parlent de la signification qui est soi-disant, comme ils prétendent, qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une ruse qu'ils utilisent. Ils sont en apparence en accord avec les salafs, mais dans la réalité, ils contredisent les salafs. Et ils sont en accord avec les Mu'tazila qui nient la réalité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un exemple. Et il y a d'autres exemples comme ça. Il y en a qui... Et c'est pour ça, les salafs, par exemple, ils disaient, celui qui dit... ma récitation du Coran est créée, alors c'est un jahmi. Hein? Pourquoi? Il disait que c'est un mubtadi'. Pourquoi? Parce que le mot récitation, ça peut impliquer deux choses. Ça peut impliquer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on récite, hein, quand on lit le Coran, et ça peut impliquer également la voix de la personne qui récite. Et donc, certaines personnes parmi les mubtadi'a, ils utilisent ce genre de ruse. Ils disent, la récitation, hein, elle est créée. Et eux, ils veulent pas dire les paroles d'Allah, ils veulent pas dire la voix du récitateur. Hein, ils veulent pas dire que la voix du récitateur, elle est créée. Ils veulent dire, en réalité, les paroles qu'il récite, hein, des paroles d'Allah sont créées. Mais ils utilisent cette ruse-là pour se cacher, hein, pour camoufler sa bid'a. Et c'est pour ça que les salafs, pour couper la voie à cette sorte de ruse-là, ce double langage, hein, que les mubtadi'a utilisent, ils ont dit, ceux qui disent, ma récitation du Coran est créée, c'est des gens de bid'a. Hein? Parce que c'est une ruse que ces gens-là utilisaient. Ils disent une parole qui peut avoir une signification vraie et en même temps une signification fausse. Et donc, les salafs, ils détestaient ce genre de parole ambiguë, qui peut avoir une signification vraie et fausse en même temps, et il coupait la voie directement à ces gens-là qui ramenaient ces shubuhat. D'accord? Donc, ça c'est par rapport à cet exemple-là. Et puis donc, il cite donc cet exemple que les salafs, ils affirmaient les attributs sans faire de déformation de leur sens, sans demander le comment. Et il mentionne ensuite la parole de l'imam Malik, qui est bien connu, hein, et qui dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, c'est connu, l'istiwa, c'est connu dans la langue arabe, et le commun, il est inconnu, et de croire en cet attribut-là, c'est obligatoire, de même qu'en toutes les autres attributs, et de poser la question sur le commun, c'est une innovation. D'accord? Donc cette parole-là de l'imam Malik, elle est très très célèbre, et c'est ça la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, ceux qui prétendent aujourd'hui appartenir au madhab de l'imam Malik, et quand on leur pose la question « Où est Allah ?», hein, ils répondent d'une réponse autre que la position de l'imam Malik, et qu'ils opposent l'imam Malik dans sa aqidah. Alors, comment ils peuvent prétendre être des Malikiyas, et se dire Malikiyas, alors qu'ils sont Asha'ira? Hein, et ils suivent une aqidah qui est, hein, une innovation. Hein, ils suivent la aqidah al-ash'ariya al-kullabiyya. Donc, ensuite, le sheikh il dit, wa yaqulu al-Tirmidhi, rahimahullah, l'imam al-Tirmidhi, fi sunanihi, wal madhhabu fi hadha, 'inda ahli al-ilm, ومن الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. Donc l'imam al-Tirmidhi, celui qui a écrit le Sunan, Sunan al-Tirmidhi, le livre de hadith bien connu, qui était un des élèves de l'imam Ahmad et des autres grands ulama de hadith, il dit dans son Sunan que la voix des ulama, des gens de science, parmi les imams comme Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan ibn Uyayna, Wakir, et d'autres parmi les imams, les autres imams aussi, ils disaient que ils transmettaient ces choses-là telles quelles. Hein? Ils disent ces hadiths-là, ils doivent être transmis telles quelles. Et on croit en ces versets-là et on ne demande pas le comment. On ne demande pas comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose que les ulama ont choisi et ils ont tous adopté cette attitude là et cette position là. ولهذا لما أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول محمد بن الحسن السابق قال بعده وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. Donc ici il dit, lorsque l'imam Ibn Taymiyyah a mentionné les paroles de Muhammad Ibn al-Hassan qu'on a lu tout à l'heure, il a dit tout de suite après, et lorsque l'imam dit qu'on doit croire en ces attributs-là et en ces textes-là sans essayer de les interpréter, cela signifie de les interpréter à la façon des Jahmiyya al-Mu'attila, c'est-à-dire ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont inventé et innové toutes sortes de formes d'interprétation des attributs qui sont en opposition avec ce que suivaient les sahaba et les tabi'in, qui eux se limitaient à l'affirmation de ces attributs-là, comme c'est mentionné dans Al-Fatawa al-Hamawiyya. Al-Fatawa al-Hamawiyya, qui est un des livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc, on a complété avec ceci le septième point parmi les fondements de l'imam al-Humaydi, et on va, inshallah, continuer après la prière de Isha avec le huitième point, inshallah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.